بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. هذه الرسالة رسالة في التوحيد كما سيأتي. فالشيخ رحمه الله il a appelé cette risala sittatu mawadi' min as-sira. Sittatu mawadi' min as-sira. Aïe, il va nous expliquer six points de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces points, ils ont un lien avec le tawhid, avec l'aqida. Wa hada c'est muhim. Khassatan annana bihamdillah azza wa jal, on a étudié plusieurs risala fi tawhid. الأصول الثلاث ثم القاعدة الأربع ثم الأصول الستة ثم الواجبات وبعد الواجبات كلمة الإخلاص ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات ثم تطهير الاعتقاد. فالحمد لله. فهذه الرسالة الآن سوف التطبيق سوف تمونتخي la vie du prophète صلى الله عليه وسلم comment il a appliqué ce tawhid, comment il a combattu le shirk. Enfin, Cheikh l'Islam, il va prendre 6 points de sa biographie et il va te montrer. Premier point, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait kada wa kada wa kada. Et il explique. Et nous, on va s'aider avec l'explication de Fadila Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala. Fa ta'lamoun, anna shuruhat Al-Cheikh Al-Fawzan, elles sont sahla, tayyiba, nafi'a. Anna sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yujzih khayr al-jaza. هذا فنبدأ وبالله التوفيق. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آمين. قال رحمه الله اي partir de d'ici ça commence la parole de Cheikh l'Islam. A partir d'ici, يعني c'est Cheikh l'Islam qui parle. Et en bas c'est le charh de Cheikh l'Fawzan. وتعلمون ان la numérotation numéro 1 ثم revient وهكذا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تامل رحمك الله سته مواضع من السيره وافهمها فهما حسنا. فهذا ستة مواضع six points six exemples de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. وشيخ الإسلام كما يعني تقدم معنا كثيرا في رسائل هذا الإمام أنه دائما يبدأ بالدعاء. تأمل رحمك الله. تأمل أي مدت غفلشي. سيأتي معنا السيرة. On ne la lit pas comme des histoires. Mujarrad d'une histoire. Aucune faïda. Pour passer le temps. Abadan. Ta'ammal, rahimakallah, sittata mawadi'a. Fa'awalan, le sheikh, il fait le dua. Wa hada dalilun anna le sheikh, rahimahullah, il veut du bien. Lil akhari. Il veut du bien l'innas. Fa'huwa, il fait le dua. Wa rahimakallah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala irham une personne, fa cette personne, il a tout gagné. فالشيخ يتفدع أن الله سبحانه وتعالى il te fasse miséricorde. Qala wa fahamha fahman hasana. Naam. À la personne, il doit lire, il doit s'instruire, il doit chercher. Et le but, c'est de comprendre. Le but, c'est de comprendre. Et après la compréhension, il y aura l'application. Amma, je lis pour lire, pour faire passer le temps, ou c'est un loisir. Notre dîn, c'est pas un dîn pour passer le temps. Là, notre dîn, il est haq. On lit, on comprend. Si on n'a pas compris, on demande. Si on a compris, on met en application. Et dès qu'on a mis en application, on met en application, on fait da'wah. تقدم معنا هذه المراتب في الأصول الثلاث عند قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والإيمان لا يكون إلا بالعلم. La foi, t'es obligé de t'instruire. فإن cette foi, elle a des sources, elle a des fondements, fait t'es obligé de les connaître. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Il applique quoi? Ce ilm, cette foi qu'il a appris, qu'il a comprise, il l'applique. الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق في الدعوه. Il appelle à cette chose. Hein, t'as compris anna, la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, anna, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a fait kada. Anta, tu crois en cette chose, tu l'appliques et t'appelles. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et avec tout ça, la but من الصبر. فهذا تقدم كثيرا معنا. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أما الكلام على البسملة تقدم معنا كثيرا, راجع أول درس من الأصول الثلاث. فالشيخ العثيمين عليه رحمة الله إذا يكسبيك البسملة يعني بما يكفي. قال الشيخ رحمه الله, أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قال الشيخ الفوزان, السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. Ce qui nous intéresse, نحن, c'est la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. لأن la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est sa sunna. La biographie, c'est sa sunna. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, comment il s'habillait, comment il faisait kata. Sunna de النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيرة الصحيحة, c'est la sunna الصحيحة du prophète عليه الصلاة والسلام. قال وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله في العبادة, إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه هي السيرة. السيرة كما قال هي الطريقة التي كان يسير عليها. السيرة, la sira d'une personne, c'est sa voix, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est la voix de la personne. Ça vient de sir, yassiru. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est mundul bi'atha, c'est après la révélation alayhi sallallahu sallam ila an tawaffahu Allah azza wa jal. Jami' af'al nabi alayhi sallam, la vie du prophète sallallahu sallam depuis qu'il a reçu la révélation jusqu'à sa mort, nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on va essayer de profiter. Cheikh l'Islam, il va citer 6 points. Mais celui qui veut plus, il lit la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui est authentique, enfin il essaye de l'appliquer autant qu'il peut. Qala fa kullu af'alihi wa aqwalihi wa tasarrufatihi sallallahu alayhi wa sallam hiya siratuhu alayhi salatu wassalam wa hadha amrun muhim anna al-muslim yadrus sirat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min ajli an yaqtadi bih li'anna Allah jalla wa ala qad ja'alahu qudwatan lana. وهذا مهم. قال الشيخ الفوزان هذا أمر مهم. Ça c'est important. أن المسلم, il connaît la vie de son prophète عليه الصلاة والسلام. Il connaît la biographie de son prophète عليه الصلاة والسلام. لأن comment il va suivre هذا الرسول, comment il va suivre cette personne qu'il aime plus que ses enfants, plus que ses biens, plus que lui-même, s'il ne le connaît pas. فلا بد أن المسلم il connaît la vie de son prophète عليه الصلاة والسلام. Même s'il ne la connaît pas en détail, il connaît l'essentiel. Et le but, comme on a dit, ce n'est pas de lire pour passer le temps. Ou بعض أهل الأهواء يليز السيرة في الموالد كما تقدم معنا إلى آخره. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est pas on lit la biographie du prophète sallam une fois dans l'année et tout le reste de l'année on le khalif. Ça a aucune utilité. Abadan. Nous, on lit la biographie du prophète sallam et on essaye d'appliquer jour après jour. Tant qu'on peut. Et on lit pas une fois dans l'année. Faqat. هذا العلم علم السيرة علم مهم pour le musulman. لكن للأسف tu trouves كثير من المسلمين يعني أعرضوا عن هذا. هذه سيء المصيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. ثم قال حفظه الله, قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, قال فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. Cet exemple أنت tu peux pas suivre إلا بعلم. كيف أنت مثلا ton exemple tu dois t'habiller comme lui مثلا. فأنت الآن tu dois savoir comment le prophète صلى الله عليه وسلم s'habillait. Et c'est quoi qu'il a mis en garde? Il y a des habits, maintenant, des habillements, le prophète sallam, il a mis en garde. Ressembler aux kuffars, ressembler aux femmes pour les hommes, ou ressembler aux hommes pour les femmes, tout ça c'est haram. Ou des habits qui ne se tordent pas la aura. Enfin, tout ça c'est haram. Si tu lis la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais comment il s'habillait, et anta, tu veux lui ressembler, liannahu, alayhi wa sallam, tu l'aimes, labud, avant que tu t'habilles comme lui, que tu saches. Tu saches comment il s'habille, alayhi salatu wassalam. Son apparence, son comportement, sa aqida, il a akhiré. Amma l'habillement, c'est un exemple faqat. Qal wa hadha, ou qabla hadha, qal fa huwa qudwatuna alayhi salatu wassalam. Fa nadrus sirata min ajli an naqtadi bihi fi dhalik. Wa hadha huwa al-matlub, wa huwa al-matlub min dirasati sira wa attafaqo fiha. C'est ça le but. C'est ça le but quand on lit sira. C'est ça le but. Tu lis sira, tu l'appliques. Tu lis sira, tu dois savoir c'est quoi le sahih min al-da'if. Il y a des livres sira, il y a des choses da'if. Il y a des choses munkara. Il y a des choses, c'est du kadib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait. Awala, la personne, il lit la sira bi'ilm. Il distingue bien le sahih du da'if. L'authentique du faux. Labud. Si tu prends, ou tu crois, anna le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait kada et il l'a jamais fait, c'est un hadith da'if, c'est un hadith mawdou, et anta tu suis là, tu auras suivi une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait. C'est ati ba'd al-kutub, Cheikh al-Fawzan il va citer des références dans ce sira, elles t'aideront pour faire la différence entre l'authentique et ce qui n'est pas authentique. قال وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها, ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد. هذا والله الحمد تقدم معنا في محاضرة المولد النبوي في الميزان أو في ميزان الشرع. On avait expliqué هذا. فسي pas ça le but. Toute l'année, ils lisent pas la biographie. بعضهم والله toute l'année ils combattent السنة. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous habillez comme ça? Il a akhiré. Il ne sait pas le meskin, l'habillement qui critique, c'est l'habit du prophète alayhi salatu salam. Toute l'année, tu le vois, il est ba'id an hada. Tumma, la nuit du maulid, le fait de fêter le maulid, awalan, c'est une bid'a. Fa, la nuit de ce maulid et la journée, toute la journée, pour fêter la naissance du prophète alayhi salatu salam, il lise sa sira. Du matin au soir. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on la lise, on ne spécifie pas de jour, on la lit. Awalan, nahnu bi'ilm wa bifahm. Et le but, c'est qu'on applique. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنة اكزام قال فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها ليست للتفقه فيها. صحيح, لا تسمن ولا تغني من جوع. Elle t'a d'aucune utilité. لماذا؟ لأن elle n'est pas basée sur العلم, elle est basée sur le bid'a. Elle est basée sur le bid'a. هو il la lit ce jour-là. لأن c'est le jour, il prétend que le prophète صلى الله عليه وسلم il est né ce jour-là, il est akhir. Et prétend qu'il faut fêter la naissance du prophète Aïssa. Tout ça c'est min al-bida'. Tout ça c'est pas légiféré vidin et l'islam. Tu trouveras anna les choses que le prophète sallam il a pas légiféré, tu trouveras qu'il n'y aura pas de baraka. Qala Aïssa sallam, man ahdada fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Tu trouveras qu'il n'y aura pas de baraka. Celui qui veut la baraka, il lit la sira comme ils l'ont fait salaf. Comme ils l'ont fait salaf. Et il lit kutub al-ulama. Et il ne spécifie pas de jour. Et il est nié à lui, dès qu'il lit. Il a une intention. Il lit, c'est pour appliquer. Tant qu'il peut. Amma je lis l'île Baraka, ou je lis parce que c'est la naissance du prophète Aïssa al-Salam, fa hada kama qala Cheikh al-Fawzan, la yusmin, wa la yurni min ju'a. لأنها ليست للتفقه فيها وإنما هي للتبرك جريا على العادة فقط فلا تفيد شيئا. سسا لا كاتاستروف الآن أن بعض الناس لغ الدين أو كثير من دينهم ستفنون عادة ستفنون كتب. بعض الناس الآن يزون كتب عادة الحقيقة سن بدعة لأنهم يفل سغبخشد الله بهذا سن بدعة لأن البروفة صلى الله عليه وسلم لا جامي فا لكمبانيون لا جامي فا ستعادة أن لدوزيام جور دو ربيع الأول أي سكي بخيطان أت المولد النبوي وفيه نظر كما نرى في نظر أن البروفة لأنه سدى وعلى كل حال سباسا كنو نتغس الآن أنهم ستفنون عادة سجور يدوى لغ لبيوغرافي son père il l'a fait, son grand-père il l'a fait, هو il doit le faire. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Il est où le dalil أن الجور لا on doit lire la biographie. Et نحن on lui dit tu la lis cette biographie أنت. Pourquoi t'appliques pas le prophète صلى الله عليه وسلم dans la biographie si tu lis il combattait le bid'a. Il combattait une personne qui invente une chose fait de din. لماذا t'invente? Le prophète صلى الله عليه وسلم dans sa biographie il combat le kuffar. Et il l'interdit de ressembler au kuffar. Limada, tu ressembles au chrétien, tu fêtes la naissance de ton prophète, alors que ton prophète, il ne te l'a jamais ordonné. Enfin, ça te montre, Anna, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont une bonne niya? On ne dit pas qu'ils ont une mauvaise niya. Abadan. Pardon, c'est des johal, qu'est-ce qu'ils ont des johal, il veut faire bien, il a akhiré. Lakin, tu es obligé d'apprendre, akhil muslim. Tu es obligé d'apprendre. Nous, on sait, tu veux le bien. Si tu as lu, si le 12 de Rabi' al-Awwal, بعضهم يفون دي بويزي بعضهم يفون كذا بعضهم يفون كذا نحن دي باك تم بار بروفيت ابدا لكن تم لو بروفيت ان طريقه ان طريقه سي با هكذا تم لو بروفيت تو في سكو تو فو ابدا سي تم لو بروفيت حقا وان شاء الله سي تا مسلم تم لو بروفيت سوي له قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سي تم الله تم سو بروفيت سوي الله او سوي سون بروفيت اقصد الله سبحانه وتعالى يتمغى هذا سي سان مطلوب اما تام اون بيرسون توما تي في سكو تو فو لا يجوز لك لان سيت بيرسون كو تام لو بروفيت صلى الله عليه وسلم اي تا دوني دي زورد اي تا انتردي دي شوز فانت سي تو لام سوي لو قد يقول قائل مي اي لو المال لو مال انك تانفونت اون شوز كو البروفيت صلى الله عليه وسلم لا با فيت لو بروفيت صلى الله عليه وسلم يدي كل بدعه ضلاله فانت سي تو لام اكارتوا دي بدع اكارتوا دي بدع كي سي كي تا دي تفيتي سا ليسونس نحن on te propose طلب العلم toute l'année. Fais pas que la naissance du prophète عليه الصلاة والسلام, c'est pas les jivirés. طلب العلم toute l'année. Lis la sirah, fais l'aqidah, le tawhid, apprends ton din, applique et tu verras que tu seras à la khair. Amma une fois dans l'année, c'est une innovation et la personne ne l'applique pas, il n'y aura pas de baraka, il n'y aura pas de faïda. Abadan. قال هذا الأمر لا قال أو قبل هذا قال لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى. هذا comme قال شيخ فوزان. Un jour ils ouvrent le livre. Un jour ils prétendent adam le prophète عليه الصلاة والسلام. On aime le prophète عليه الصلاة والسلام, on le respecte, il a akhiré. Un jour, tumma, khalas. 364 jours le reste de l'année, rien du tout. C'est pas hakada. C'est pas hakada. Si tu aimes le prophète عليه الصلاة والسلام du matin au soir. Le matin tu te lèves, tu as des sunan. Le matin tu te lèves, tu as des sunan. Tu fais comme le prophète عليه الصلاة والسلام il a fait. Tu dors à la fin de la journée, tu as des sunan. Tu fais la athkar comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute l'année, différentes situations, tu as des sunan que tu dois suivre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Une fois dans l'année, fala. Abadan. Qala hadha al-amr la yanfa' wa la yufid. As-sira matloub dirasatuha da'iman. Wa la naqsud bid-dirasa mujarrad annana naqra'aha من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة. Ça c'est un deuxième point que je vous en ai précise. كذلك c'est pas tu prends le livre du début. Tu prends مثلا سيرة ابن هشام رحمه الله. Ça كتاب نافع في السيرة. Ou tu prends زاد المعاد للإمام ابن القيم. Ça كتاب نافع. كذلك tu le lis du début à la fin. ثم il y a pas d'application. Ça sert à rien هذا. Notre دين نحن c'est علم وعمل. للذين آمنوا وعملوا الصالحات قول وعمل قال البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله فنحن علم وعمل أما كم يفون بعض إليز السيرة du début à la fin du début à la fin ثم تلتخوف إلى دي مخالفات كإلى اللو دان السيرة T'as dit, mais t'appliques pas, y'a et voilà. Sira, c'est pas un cadeau. C'est pas tu l'as lu, Mujarrad, c'est une histoire. Ah, ben, Al-Monsib Al-An, comme à Talamoun, ils ont fait des films. Pour montrer à ils sont baïd, ils ont fait des bandes dessinées, ils ont fait des films, ils ont fait. Yanni par rapport à Sira. Comme le film Le Messager. Ah, là, c'est un film, il veut montrer la biographie du prophète Aïssa. Et tu trouveras dans ce film, il n'y a pas de baraka, abadan. Il y en a, il y a des choses qui sont fausses dedans. Il y a des images, awalan, c'est interdit. Comment on va étudier, on veut apprendre la biographie du prophète sallam avec une chose que le prophète sallam nous a interdit. Comment? Min ayn had? Qui c'est qui t'a autorisé? Ouais, il va dire, Allah, j'aime le prophète, il a fait. On va lui dire, lis un livre. T'es pas obligé de regarder la biographie en images. Les images, c'est interdit, t'auras pas de baraka. Tu veux te rapprocher d'Allah et tu t'éloignes. Le prophète sallam y a dit, أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Parmi les gens qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة, ceux qui représentent des images. Qui c'est qui t'a autorisé à représenter des images pour faire la biographie du prophète? Qui c'est qui t'a responsabilisé d'Allah? Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? Qui c'est? Abdanta, abdanta. Abdanta, tu dois écouter, obéir à Allah, obéir au prophète. Enfin, qui c'est qui t'a autorisé? Et là, on te pose une question. Est-ce que depuis l'époque des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, jusqu'à qu'ils ont inventé ce film, هذا, personne connaissait Sira. Lis le livre d'Ibn al-Qayyim, Zad al-Ma'ad, et tu vas comprendre c'est quoi Sira. Lis le livre, tu vas voir que Ar-Rajul, Rahimahullah, c'est un imam, il a compris la vie du prophète, alayhi salatu wasalam. Et tu le vois dans ses livres et dans ses œuvres et dans sa biographie lui-même. Lis la biographie d'Ibn al-Qayyim, Rahimahullah, tu vas voir qu'il a été touché par la biographie du prophète, alayhi salatu wasalam. Amma, elle est où la faïda? Un film, elle est où? Ils mettent un film à Walan de Ma'asi. Le prophète, il a interdit de regarder des images, il a fait. Deuxièmement, les malaïkas, yakhrujun min al-bayt. Si le malaïka, il sort, tu dois comprendre c'est quoi qui va rentrer dans le bayt. Thalithan, le livre, ou le film, c'est pas des ulama qui l'ont fait, abadan. C'est un film, il a une tendance de rawafid, comme à ta'lamoun. Rawafid, qui l'ont fait. Min ayn tu vas stafet de hada, ya akhi. Min ayn. T'as délaissé les savants d'islam. T'as délaissé les compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, qui nous ont expliqué la vie du prophète, il a akhiré. Et anta, tu prends cette biographie de haoula. Comme a dit Ibn Sirin, inna hada l'amru din, fanduru amman ta'khudu dinakum. La biographie du prophète sallam, c'est du din. C'est pas l'histoire d'une personne comme les autres. C'est pas un film, un scénario, ils inventent, ils mentent. Abadan. La biographie du prophète sallam, c'est du din. Il y en a ce qu'il y a dans la biographie, on doit l'appliquer. Nahnu. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa fil ayati nastaghfiruzu laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Nahnu labud cette biographie, on doit la prendre, on doit l'étudier, on doit la comprendre comme ils l'ont compris salaf. Amma, tu veux comprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les films, tu n'arriveras pas à grand chose. Wallahi, tu ressortiras avec des ma'asi et tu ne comprendras rien, il n'y aura pas de baraka. Comme de personnes, ils ont regardé ce film, elle est où le baraka? Fahada l'amr, c'est du din. La biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est din. C'est din, prends-la, étudie-la comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a montré. Pas comme tes passions. بعض الناس الآن يسوي سهوا يزيغي له المال جو قاعد لفين سلا فيديو بروفيت المال سيك تخالف الرسول كتل فيونو فسا سي أمال إنهم وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إلى المال أن البروفيت تدي سانتردي لفوتو أنت تلو كنتخدي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة إن فتنة اللي توش أو عذاب أليم أو شاتي مدلوغ المال اللي كبير يا أخي. قال ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها. انظر الشيخ فوزان يتحدث عن ceux qui la lisent sans méditer, sans appliquer. ما بالك celui il veut comprendre la sira avec une معصية, avec des images, avec une bande dessinée, avec un film. ما بالك هذا أبدا il comprendra, بل il aura des péchés. Il veut se rapprocher, il s'éloigne. هذا قال لا لابد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله هذا هو المقصود هذا كذلك أن une fois même si on a étudié la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم comme il faut avec des livres avec des savants avec le but c'est qu'on applique On va citer un exemple qui nous touche tous et qui touche nos frères francophones. Mathalan, on lit tous fait sirah, le Nabi sallam il a fait le hijra. Tous. Le prophète sallam il a fait le hijra en telle année. Il a quitté Mecca, il est parti à Medina. Qabla hada, les sahaba, ba'du sahaba, ils ont fait le hijra ila bilad al-Habasha, عند النجاشي ila akhir. Al-muhim al-hijra. Le fait de délaisser un pays de kufr et partir dans un pays d'islam. Comme le prophète sallam il a mis Mecca, comme il a fait le prophète de Mecca ila al-Medina, alayhi salatu wassalam. Fa'an, le but c'est pas que de lire faqat. On te demande les hijras, tu connais la date. Le prophète il a fait en telle année. Tu connais les compagnons qui l'ont fait. Ça c'est bien. Lakin antal an. Tu dois savoir pourquoi il a fait les hijras. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait les hijras awwalan li anna Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné. Et Allah il lui a ordonné li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou le muslimoun n'am, ils ne pouvaient pas appliquer leur dîn fi Mecca. Les kuffars ils les combattaient ila akhir. Fait ils ont été obligés de quitter Mecca. Afdal al-biqa. C'est la meilleure terre. L'unanimité des savants, la Mecca, c'est la meilleure terre. Ils l'ont quitté. Les Yannas, ils ne pouvaient plus appliquer leur dîn. Kuffar Quraysh, ils les combattaient. Et ils se sont déplacés à Medina. C'est ça le but. Tu as lu la biographie du prophète. Al-an, ayyuha al-muslim, toi, tu lis la sirah. Est-ce que tu es concerné par ça? Si tu lis la biographie, tu habites Fibilan al-Kuffar. Tu n'arrives pas à faire ton dîn. T'arrives pas à faire ton dîn. Ils combattent le hijab, ils combattent l'id, ils combattent l'adhan, ils combattent ad-du'at ila Allah, ils combattent kathir min al-umur. Al-an, anta, t'es concerné comme le prophète sallam il était concerné. T'as lu que le prophète sallam il l'a fait. T'as lu les avantages. Un prophète sallam, ils sont partis à Médine. Ils ont appliqué tout ce qu'ils ne pouvaient plus appliquer à Mecca. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité, ils ont fait le jihad. Anta al-an, tu connais, tu sais pourquoi la hijra et tu connais les avantages. T'as lu la biographie. Un tel un t'es concerné. Enfin, le but un tel un, tu fais du'a, tu demandes à Allah qui te facilite et tu fais les causes pour appliquer cette ibada que tu as étudiée dans la sirah. C'est ça le but. Amma, on lit la sirah, le prophète il a fait l'hijra, il a akhiré. Toi, ma personne bouge, tout le monde fait bilal kuffar. Al-an, c'est une hujja contre nous. Qu'est-ce que tu vas dire, yom al-qiyam? Si t'as une excuse, c'est autre chose. Maintenant, on parle pas. Il y a des personnes, ils ont des excuses. Aoula, ils ont une excuse. Nous, on parle, celui qui n'a pas d'excuse. Il a la capacité. Enfin, on doit appliquer, ya jama'a. Tu ne lis pas pour lire. Abadan, tu ne lis pas pour lire. J'ai lu la biographie de Ibn Hisham. Et après, c'est une hujja contre toi si tu n'appliques pas, ya akhi. Wa hakada al-Qur'an. J'ai le Qur'an, j'ai le Qur'an. Ils sont les œuvres. Enfin, notre dîn, c'est ilm wa amal. Aqida wa sharia. Amma hakada, on fait des livres. Ah, on lit. Et nos œuvres. Ça ne change pas. Elle est où la faïda? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le Coran, hujjatun lak ou alayk. Hada al-ilm, ça peut être une hujja contre toi. Ça peut être une hujja contre toi si tu ne l'appliques pas. On essaye de lire et on lit. On se force, bi-idnillah azza wa jal, ça soit la biographie ou autre. Et le but, on lit, on applique. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kama ta'alamoun, ils apprenaient divers versets min al-Quran, comme fi hadith ibn Mas'ud. Ils les comprenaient. Ils appliquaient. Thomas, il passe à 10. Ah, qu'est-ce qu'ils étaient? Ça te montre que le but, la lecture, c'est pour appliquer. Là, le compagnon, il peut lire, comme ils font certains, il apprend le Coran en 6 mois, l'un. Il peut, là, qu'ils n'étaient pas à Hakada. Ils n'étaient pas à Hakada. Les enfants, c'est autre chose. Les enfants, c'est autre chose. L'enfant, lui, il ne peut pas tout appliquer. Il est petit, il a une grosse mémoire, il en profite, il apprend tout le Coran. Ah, maintenant, t'es adulte. T'apprends, c'est bien, là, qu'il faut l'amal. Amma, t'arrives à la fin du Coran et beaucoup de choses tu khalaf, yom qiyama, ça sera une preuve contre toi. Amma, t'avances tout doucement, t'as pris un juz, t'as pris la moitié et t'appliques, t'as fait ce que tu pouvais. Falihada yaqul, ba'du sahaba, radiyallahu anhum, annahum kanu ya'rifun, hafid al-baqara, fi zamanihim. À l'époque des compagnons du prophète, ils savaient si une personne elle connaissait surat al-baqara ou pas, sans lui demander ses œuvres. Il y a beaucoup d'ahkab. Enfin, il sait, il voit comment la personne y vit, il dit lui connaît le Baqara par cœur. Il le voit dans sa vie, ça a changé sa vie. Qul ya ayyuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun. Cette surah, tu verras changement dans sa vie, il n'adore jamais autre qu'Allah. Et il déteste les kuffars. Abadan, tu le trouves, il ressemble aux kuffars, ou là il les aime. Abadan. Yatabarra, qul ya ayyuha al-kafirun, la a'budu ma ta'budun. Surat al-kafirun. Enfin, c'est ça le but, ya jama'a. Amma que les gens ils disent ouais Fulan il connaît Fulan, Yom Qiyama ça ne servira à rien. Léana Yom Qiyama, comme a dit le hadith Abi Barza, radiallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou akhbar le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an al-'abd yus'al an 'ilmihi. ماذا عمل به الله سبحانه وتعالى il t'a facilité une bonne mémoire il t'a facilité talab al-ilm il t'a facilité tu sais lire qu'est-ce que tu as fait avec ça t'as lu la biographie qu'est-ce que tu as fait c'est quoi les fruits amma si la personne il lit pour les autres pour la publicité pour les étiquettes يعني j'ai fait il a akhiré فنص الله العافية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من يلقى في النار يوم القيامة رجل حفظ القرآن ليقال قاري il a appris le Coran pour qu'on dise mashallah il a une belle voix il a كذا c'est parmi les premières personnes qui sera في النار est-ce que ça lui a été utile أبدا في الدنيا نعم في الدنيا les gens ils gonflent ce genre de personnes ça حافظ il a une belle voix il a akhiré يوم القيامة ça sera rien du tout si il n'était pas sincère et il n'a pas appliqué ça lui sert à rien du tout Al Quran hujjatun lak aw alik. Enfin, tout ça qu'on a cité, c'est par rapport à la sirah. Sirah du prophète, alayhi salatu salam. La sirah du prophète, salam, c'est digne. Enfin, on la lit, on la comprend, on distingue bien l'authentique de ce qui n'est pas authentique et on applique petit à petit. Attends, on voit un changement dans ta vie. Amma, des années, on lit et il n'y a aucun changement. Fahada, wallah, la yufrah bih. La yufrah bih abadan. عليكم السلام قال رحمه الله أو حفظه الله وقد كتب الإمام ابن القيم كتابا عظيما في فقه السيرة وهو زاد المعاد في هدي خير العباد وهذا صنع كتاب عظيم قال بعض العلماء ومنهم العلامة الفقيه الشيخ صالح ابن العثيمين محمد بن صالح العثيمين أنه من أفضل كتب السيرة بل أفضل كتب السيرة زاد المعاد Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad. Il te montre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin huwa il t'explique. Va talan des chapitres l'habillement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il donne des fawaïd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mettait kada kada kada. C'est ça le but. Tu sais qu'est-ce qu'il mettait matalan comme habillement, tomma t'as compris, tomma tu mets toi aussi, il a akhiré. Enfin, la personne il se concentre dans ce genre de livre. Qui veut comprendre la sirah, Zad al-Ma'ad, l'imam al-Qayyim, rahimahullah. Amma les films, les bandes dessinées, tout ça, Allah, il t'apprendra rien. Hatta ton enfant. La barre de nas, c'est des masakin, annahum, rubbama, ils ne savent pas lire, ou il n'a pas la capacité de. Il n'a pas la capacité, lui, de lire ce livre, ou son enfant. Enfin, il croit que c'est une bonne méthode. Il croit que son fils, matalan, c'est mieux qu'il regarde un DVD sur la vie du prophète, aïssa al-Salam, qu'un DVD. Un film ou de la musique ou هذه الأمور. Remplace pas et essaie pas d'enlever les péchés avec le bid'ah. Abadan. C'est pas une solution. Tu guéris pas des blessures avec du poison. Abadan. Si tu peux pas, fais de du'a. Fais des efforts. Apprends l'arabe. Tlub l'ilm. Demande. Tu trouveras qu'il y a des cours en français. Bouge-toi. Faqat. Essaie pas d'éduquer ton enfant à la tariqa. Tu te feras du mal et tu lui feras du mal. Qala ba'du salaf. الاقتصاد على السنة خير من الاجتهاد في البدعة. C'est mieux un peu ton enfant tout doucement. Et c'est sunnah que tu fais des efforts في البدعة. لأن البدعة سمين الذنوب سمين الضلال سمين الضلال. La musique maintenant c'est الضلال. Ton enfant tu ne laisses pas écouter de la musique. Ou un film ou c'est الضلال. C'est des maasi, des photos إلى آخره. Remplace pas ce ضلال par un autre ضلال. لأن les images, tout ce qu'ils font, c'est des bid'ah et c'est des ma'asi. Enfin, crois pas que avec ce dalal, tu vas enlever l'autre dalal. Ad-dalal, tu l'enlèves avec sunnah. Ad-dalal, tu l'enlèves avec l'ilm al-nafi, avec tawhid, avec ulama sunnah qui t'aide. Amma, tu remplaces un égarement par un autre égarement, ça finira de l'égarement. Kadhalik min al-kutub nathkur huna. Lianna, Cheikh al-Fawzan, il a cité les livres d'Ibn Qayyim. Kadhalik. كتاب السيرة لابن هشام هذا كتاب طيب كذلك من الكتب السيرة النبوية للإمام ابن كثير كذلك البداية والنهاية ذكر من السيرة الكثير avec le تحقيق كذلك من الكتب النافعة الفصول للإمام ابن كثير رحمه الله هذا كتاب نافع جدا Allah il nous a facilité, on l'a étudié avec Cheikh Yahya Hafidahullah, Al-Fusul ibn Kathir, c'est un kitab nafi'. Il est très simple, par chapitre. Maintenant, les batailles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites, il cite, kada, kada, kada. C'est un kitab nafi'. C'est un kitab nafi'. خاصه avec شرح عالم طيب. Si c'est pas il comprend pas l'arabe, il demande. وتعاونوا على البر والتقوى. T'as une autre solution, si tu ne comprends pas l'arabe. Un frère, il t'aide, un frère qui comprend l'arabe. Chaque jour, un chapitre. Tayyib. Tayyib. Avec le dua, Allah, il vous facilite. Amma, on faiblit et on prend al-ma'asim mubashara, les images, les photos, fulan. T'as pas le droit, hada, yuhal muslim. Si tu ne sais pas, lis pas, t'es excusé. Maintenant, personne ne peut te montrer, toi, tu ne sais pas. Fais le dua à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ton amour que tu as envers Allah et ton prophète, et la sincérité, yom qiyama, ça t'aidera. Amma, tu t'imposes des choses et tu t'égares, là, là. فهذه بعض الكتب قال وكتب بعض المعاصرين كتابت منها ما هو صحيح ومنها ما هو السيء اساس فائده انا يا دي كتب خاصه في كتب بعض المعاصرين المعاصرين سي كونتمبورين اما اللي كنا سيتي نحن سي دي امام انسيان ابن كثير ابن هشام ابن القيم تو سا سي دي انسيان اما الان فكما تعلمون كثير من الكتب كسا سوا في السيره او غيرها dès que c'est pas un savant sunni, un savant salafi, tu trouveras dans le kutub il y a kathir min al-akhta, kathir min al-daya. Tastafid hada, anna tu lis pas tout et tu lis pas n'importe quoi. C'est pas t'as vu un livre, la pochette, la biographie du prophète, tu sautes dessus. Abadab. Qui c'est qui a écrit le livre? Il va dire c'est Cheikh Fulan, c'est Oustad Fulan, c'est Abu Fulan, c'est qui? Si tu connais pas, tu surtout pas, prends surtout pas. Ça peut être un livre où il y a de l'égarement. Il se sert de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il injecte des égarements. Wa anta la tadri. Écarte-toi. Inna hadha al-amr din. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Hakad ibn Sirin yaqul al-imam. Il dit anna hadha al-ilm c'est du din. Fais attention du que tu prends ton din. Anta si tu connais pas l'auteur, touche pas, prends pas. Prends pas, peut-être que c'est un égaré, va t'égarer. Fa anta tu prends min al-kutub al-ma'rufa. المشهورة زاد المعاد الفصول السيرة لابن هشام كثير من الكتب فدلس باتوس خير تو بابغ ان كتاب يا دي شبه تو سي با ترو قال ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات انظر يا دي بيرسون ايز اكسبليك لا في دو بروفيت عليه الصلاه والسلام سا بيوغرافي اي ايز امن دي شركيات تعلمون ان الشرك اعظم الظلم ان الشرك لظلم عظيم والله سبحانه وتعالى يبعدن بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا dans sa biographie il nous explique le shirk alors que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam entière il a combattu le shirk. Comment t'expliques ça انت الان الان la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam في واد lui il est dans واد آخر قال ولكن هذا لا عبرة به لكن لا لأن كلا ينفق مما عنده نعم si c'est un égaré tu trouveras qu'il te donnera de l'égarement. قال كل ينفق مما عنده. La personne il donne ce qu'il a. فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. Une personne qui n'a pas d'ilm, il ne peut pas te donner d'ilm. Une personne qui n'a pas une chose, il ne peut pas te la donner. فتأمل أن أنت avant de lire un livre, tu dois bien te concentrer c'est qui l'auteur. C'est qui? Si c'est un alim sunni, si c'est un salafi, il est à la khayr, il est à la ilm, Inch'Allah, le khayr qu'il a, t'en profiteras, bi'idnillah. Si c'est un dal, un munharif, un mubtadi', un sofi, un halik, tu seras touché par son égarement, la chak. Fa, entabé, ayyuha al-muslim. Anta, tu dois bien filtrer ta lecture. Tu lis pas tout. T'écoutes pas n'importe qui. Là, tu filtres et tu prends un nafi'. Tu prends ce qui est utile et qui te fera du bien. Vaut mieux prendre un peu qui te fera du bien, t'avances tout doucement, que beaucoup, et tu t'égares. Al-iqtisad fi sunnah, ou l'iqtisad ala sunnah, khayrun min al-ijtihad fi al-bid'ah. On voulait finir, lakin, demain, bi-idhnillah, nakmil mastata'na. Subhanakallahu hamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ma'a tahiyyati dammaj, affaire.com